Le centre d'études du socialisme n'est pas la République populaire démocratique de Corée est constitué le 3 courant à Katmandou. Le président de l'association népalaise en faveur de la politique de Sengun, Manik Lama, est élu président.